39e, France, année 2014. C'est un homme voûté, les cheveux courts, blanchis, très mince à la limite même de la maigreur, qui se recueillait sur une tombe, dans une belle propriété située sur les hauteurs d'Honfleur. Il n'avait pourtant que 36 ans, mais il en paraissait bien 20 de plus. Jérémy, sorti 6 mois de sa prison, retourna aussitôt en France, comme il l'avait promis à son père. Malheureusement, ce dernier, usé et meurtri par tous ces événements, s'était lui aussi éteint 6 mois auparavant. Jérémy regarda la stèle de marbre noir qu'il avait dessinée et fait poser sur la tombe de Jason et Marina. Elle représentait les deux amants enlacés dans un dernier baiser. Il avait fait graver cette épitaphe en leur honneur. Ils s'aimèrent jusqu'à la mort et à présent sont unis pour l'éternité. Le visage baigné de larmes amères, il fit ses derniers adieux à son frère et à la femme qu'il avait lui aussi aimée à la folie. Il reprit son travail à la banque Emerson et pendant de longues années s'échina à la faire fructifier, sans jamais s'occuper de lui. En cette année pluvieuse de 2054, Jérémy, assis dans son fauteuil près de la cheminée, où brûlait un feu d'enfer, frissonna. Il atteignait sa 76e année et il avait constamment froid. Sur ses genoux, sur le plaid qui le recouvrait, il finissait d'écrire, ses mains décharnées le faisant de plus en plus souffrir. Il reposa le livre de la famille Emerson en poussant un profond soupir. « Et voilà, pensa-t-il, c'est fini. Le nom des Emerson va s'éteindre. » Mike, l'autre fils de Robert, venait de se tuer dans un accident de voiture. Le dernier des Emerson l'avait consigné dans le manuscrit. Leur nom s'éteindrait après son départ. Il soupira de nouveau et sa tête dodelina bientôt. Il s'endormit. Il s'éveilla en sursaut. On frappait à la porte. Qui pouvait bien venir le déranger? Se levant avec difficulté, il se dirigea vers la porte, tourna la clé et ouvrit. Devant lui se tenait Jason. Il secoua la tête comme pour en chasser l'image qu'il avait devant les yeux. Il savait que Jason était mort depuis bien longtemps et que, par conséquent, ce ne devait être qu'un mauvais rêve. Lorsque l'homme lui sourit et commença à parler. « Vous êtes bien, monsieur Emerson, monsieur Jérémy Emerson ?» Le vieillard hocha la tête éberluée et bredouilla. « Oui, qui diable êtes-vous? Et que me voulez-vous? Pour la banque, il faut vous adresser en bas. » « Non, répondit l'homme, c'est vous que je viens voir. Puis-je entrer ? » demanda l'inconnu. « Mais qui êtes-vous donc ? » s'enquit de nouveau Jérémy. « Je m'appelle Jarod, » fit ce dernier. « Connais pas, » répliqua Jérémy qui voulut refermer sa porte. L'inconnu mit son pied pour la bloquer et insista. « Attendez, je ne vous ai pas encore dit mon nom de famille. Je m'appelle Jarod Emerson. » Jérémy ouvrit en grand le chambranle et regarda plus attentivement que jamais l'inconnu. Même nom de famille, et alors? Nous ne sommes pas les seuls Emerson sur la planète que je sache. Certes non, répondit l'homme en souriant. Ma mère, reprit-il, s'appelait Mélène, et elle vous a rencontré à votre sortie de prison, là-bas, à New York. Il se tut un instant avant de reprendre. Je suis né de votre union passagère. « Ainsi, répliqua Jérémy, vous prétendez être mon fils. » « Je ne le prétends pas, je l'affirme. Si vous me laissiez entrer, je pourrais peut-être vous le prouver plus facilement. » Agacé et curieux, le vieillard le fit entrer. « Eh bien, maintenant que vous êtes dans la place, jeune homme, montrez-moi donc ces papiers. » « Je vais faire mieux encore. Voilà des photos, avec mon acte de naissance. Toutes les dates sont là. » Ils restèrent de longues heures à discuter. Jérémy reconnut la jeune femme qui l'avait aidé à sa sortie du pénitencier fédéral. Il n'était resté que quelques mois avec elle, lui ayant bien fait comprendre dès le départ qu'il ne pourrait en aucun cas s'attacher à elle. Elle avait accepté le marché. Peut-être avait-elle espéré quand même qu'il finirait par rester. Il était reparti pour la France 7 mois plus tard et Jarod était né 5 mois après. Il ne faisait donc aucun doute qu'il fût bien son fils. En le regardant face à lui, il pensa à son frère jumeau, Jason. Dès qu'il l'avait vu sur le pas de la porte, il avait pensé à son frère, tant la ressemblance physique était frappante. À présent, il comprenait que c'était à lui-même que Jarod ressemblait. Il se renseigna sur la vie de son fils. « Tu es venu en France depuis longtemps ?»« Cela fait à peu près 18 ans à présent. Je me suis marié ici et j'ai des jumeaux, Jason et Jeremy. » « Allons bon, quelle coïncidence tout de même. » Jérémy commença à lui raconter l'histoire de la famille, mais au bout de quelques heures, il se sentit si fatigué qu'il demanda à Jarod de revenir le lendemain. Ce manège dura 2 semaines, jusqu'à ce que Jérémy voulût rencontrer ses petits-enfants. Ce jour-là, lorsqu'il ouvrit sa porte, il vacilla si fort que son fils dut se précipiter pour le rattraper. Il le fit asseoir dans son fauteuil favori. « Là, tu seras mieux ici. » « Je suis idiot, j'aurais dû t'avertir. Ils se ressemblent tellement, ces deux-là. »« Ah non, c'est pas ça. Bien sûr qu'ils se ressemblent. C'est normal, puisqu'ils sont jumeaux. »« Tiens, » reprit ce dernier, « assieds-toi là, et vous aussi, les jeunes. Regardez ce livre. » Il désigna le manuscrit posé sur un petit guéridon près de la cheminée. « Regardez les photos. Voyez celles de mon frère, Jason et moi ensemble. » Jarod feuilleta le gros livre et regarda attentivement les photos. « Bon sang » s'exclama-t-il, « bon sang !»« Maintenant tu comprends, » reprit Jérémy essoufflé. « Ça alors, c'est incroyable. Une réincarnation? Mais moi je ne suis pas encore mort, du moins je ne le pense pas. Se pourrait-il que ce soit un mauvais rêve ?» Le vieillard qu'il était semblait perdu, si seul. Jarod lui prit les mains et les serra entre les siennes. « Voudrais-tu me laisser lire ce livre et en même temps en faire part à mes enfants ?»« Bien sûr. D'ailleurs, tu es un Emerson. Tu te dois de l'écrire à ton tour. Et ensuite viendra le tour de tes enfants. »« Moi, désormais, j'arrive au bout de ma vie et c'est très bien ainsi. À vous de perpétuer la tradition comme notre ancêtre l'a voulu. » Ils passèrent de nombreux mois à faire connaissance. Jérémy était fasciné par la ressemblance entre les jumeaux. Il initia Jarod aux affaires. Ce dernier étant comptable, les transactions bancaires n'eurent bientôt plus aucun secret pour lui. Pendant les 4 années qui suivirent, il lui imposa, comme son père l'avait fait avant lui et pour lui, tous les postes, du plus bas de l'échelle, pour finir à la place de PDG. Il était de plus en plus fatigué. Et le jour même de son anniversaire, le jour de ses 80 ans, il mourut paisiblement dans son fauteuil, devant le feu d'enfer de la cheminée, tenant si fort contre lui une photo jaunie de Marina.